Manque de loyauté lors de la révocation du président d'une SAS à retenir. Le président d'une SAS est convoqué à une réunion d'un comité de surveillance ayant pour ordre du jour la revue du développement et de l'organisation de la société. Il demande alors au président du comité des détails sur cet ordre du jour, large et imprécis, afin de préparer une éventuelle intervention ou des documents. Le président du comité lui répond que cette réunion est organisée à la demande d'un associé qui souhaite discuter du développement externe et qu'elle ne nécessite aucune préparation de sa part. Pourtant, au cours de la réunion, le comité aborde en premier lieu la question de l'organisation de la société et il révoque le président de la SAS. Dans une telle situation, la Cour d'appel de Paris a estimé que l'objet de la réunion était à l'évidence de se prononcer sur la révocation du président de la SAS sur la base de constats déjà identifiés. Dès lors, la réponse apportée par le président du comité avant la réunion, banalisant l'objet de la rencontre, était de nature à induire le président de la SAS en erreur sur l'enjeu réel de celle-ci, car elle ne l'incitait pas à préparer une réponse spécialement étayée. De ce fait, elle a pu nuire à l'organisation de sa défense. Ce manque de loyauté à l'égard du président ouvrait donc droit à indemnisation et il a reçu une allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts.